Partagez. Le moment est venu, le moment est venu, le moment est venu. Je dis bonsoir à tous, bonsoir à tous les mamans, toutes les mamans. Bonsoir à tous les papas, bonsoir à tous les frères en Christ qui se connectent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à maman, maman Dédé Sala, l'épouse du docteur des docteurs, du prophète des prophètes, l'archebishop des archebishops. Bonsoir à maman Déborah Yaou de Côte d'Ivoire. Bonsoir à Rose des Cieux. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à Léonie et Séméné. Bonsoir, bonsoir aussi à maman Elisabeth Focho du Cameroun à Douala, Temple des Nations. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à Michel. Soyez tous bénis, tous ceux qui se connectent et qui vont partager. Car c'est la mission que Dieu nous accorde. Bonsoir à Benoît Roger, Moustassi, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et soyez tous bénis, élevés, tous ceux qui vont partager, tous ceux qui vont partager la vidéo tout de suite, vous êtes dans l'élévation. Bonsoir au Temple de Nation Douala, bonsoir au Temple de Nation Yaoundé, car je sais que le message passe à Yaoundé direct dans la salle. Je vous demande de prendre vos téléphones et de commencer à partager depuis le Temple de Nation parce que nous allons entendre des révélations très pertinentes, très très pertinentes. Bonsoir à maman Thérèse Ndjok, épouse du directeur de la sécurité du Temple des Nations. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent, tout le Temple de Nation Yaoundé et en même temps le Temple de Nation Douala, Paris, tous ceux qui se connectent, commencez à partager, à partager, à partager, à partager, car aujourd'hui nous allons parler des quatre princes de l'enfer, révéler l'identité des quatre princes de l'enfer que Satan utilise comme démon dominateur pour nous attaquer. Et pourquoi, vous allez peut-être vous poser des questions, pourquoi celui-ci, ce dernier qui s'adresse à nous tous les soirs, pourquoi il aime toujours parler des esprits, des démons, tout cela. Et je m'en vais donc vous expliquer, selon la parole de Dieu, qui je suis d'abord avant d'attaquer ce domaine. Qui je suis d'abord? Parce que les détracteurs aiment toujours dire que lui, il parle des démons, il parle des démons. Pourquoi je parle des démons? Parce que mon maître Jésus aurait parlé des démons plus que toute autre personne. Que Dieu vous bénisse, Jean-Jacques Opan, Flora et Yenga de Bruxelles, et tous ceux qui se connectent à partir des États-Unis, partagez, partagez. Vous allez entendre pourquoi je prêche. Beau Gaspard de Jésus, connectez-vous, connectez-vous, partagez. Demandez à toute l'humanité de partager, de partager. C'est très important. Saint-Florienne Amougou du Cameroun, je ne sais pas si c'est au Cameroun. Présentez-vous, vous êtes bénis. Et toutes les imprécations des fêtes de Noël que tes parents qui se sont engagés, les fêtes de Noël. C'est pourquoi je reviens là-dessus ce soir, parce que ces envoûtements, ces malédictions nous poursuivent toujours. Je reviens là parce que mon père aussi a adoré Noël, lui qui était catholique, et ainsi de suite. Tous les sacrifices, nos grands-parents, nos parents ont sacrifié aux démons, soi-disant fêter Noël, et on a mangé ces sacrifices, parce que ce sont des sacrifices offerts à Satan, comme la Bible dit en Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 20, que tout ce que vous offrez en sacrifice, et le Dieu qui se cachait derrière ce nom de Noël, c'est l'arbre de Noël qui est dans le sacrifice mondial. Tout ce que vous faites, vous offrez pendant les fêtes de Noël, vous offrez votre argent et autres à Satan. Donc je reviens, les Saintes Écritures déclarent dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 3, verset 16 et à 17, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce message, donc, loin d'être injustificatif, vient éclairer l'opinion publique sur les nombreuses déclarations calomnieuses à l'endroit d'abord de l'Église que nous appelons l'église des réveils, parce qu'ils disent toujours que ce sont les églises des réveils. Je lisais des commentaires disant que ce sont les églises de réveil qui prétendent qu'on ne doit pas. Et ce ne sont pas toutes les églises de réveil, parce qu'il y a les pasteurs dans leur ignorance et ceux qui adorent le diable, dans cette ignorance, ils poussent les chrétiens nés de nouveau à aller adorer le diable. Bonsoir à Maman Bono, la gloire, la fille que Dieu a bénie dans le ministère et qui est déjà en France maintenant. Elle s'est mariée au Cameroun dans le ministère. Elle est déjà en France aujourd'hui par la bénédiction de l'Éternel. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde encore une onction spéciale ici en Europe. Et bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les temples de nations. Que Dieu vous bénisse. Donc je parlais justement de ces calomnies qui sont adressées aujourd'hui à l'endroit des églises réveil, plus précisément le docteur Essomba et son temple de nations. Le ministère va et raconte dont je suis absolument le fondateur. Nous ne voulons pas agir selon la sagesse de ce monde, selon qu'il est écrit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 19, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs ruses. Mais nous bénissons l'Éternel qui nous donne l'occasion ici d'enseigner et de mettre en lumière certaines zones d'ombre qui se sont glissées dans le message de l'évangile de Christ, lesquelles font marcher le peuple dans les ténèbres, selon qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 9 verset 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort, une lumière resplendit. Vous voyez ce qui se passe. Beaucoup de chrétiens adorent Noël. Il a fallu que quelqu'un qui a la révélation puisse arriver avec la révélation du Saint-Esprit pour dire non. Stoppez, n'adorez plus Noël, n'allez plus fêter Noël, n'achetez rien comme habit touchant les histoires de Noël, n'achetez pas la nourriture, n'achetez pas les breuvages, les boissons et autres. Tout ceci, ce sont des manigances de Satan pour vous amener à faire des sacrifices à lui, Satan, et il prend vos âmes. Parce que tout ce que Satan veut, c'est prendre votre âme, c'est de vous détruire. Et quand il prend ton âme, il finit par te détruire par le canal de ce genre de manifestation. Dans cette lumière dont je fais allusion dans le livre d'Isaïe, c'est la parole de Dieu. Car selon l'apôtre Jean, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. Le mal ici, c'est quoi? C'est adorer des idoles. Ne vient plus à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Donc tous ceux qui adorent Noël, qui fêtent Noël, n'aiment pas lire la parole de Dieu parce que lorsqu'ils vont lire la parole de Dieu, Dieu par sa parole va éclaircir beaucoup de personnes, va éclaircir ta conscience. Mais comme tu es attaché à ce genre de tradition pour manger, pour fêter, et tu ne vas plus rien faire, tu vas même commencer à haïr ceux qui parlent de Noël dans la vérité. Donc Noël étant une fête démoniaque, c'est pourquoi ça énerve certaines personnes quand on dit que Noël est une fête démoniaque, parce qu'ils sont tellement accrochés à la tradition, refusant la parole de Dieu qui met la lumière sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc ici, beaucoup ont dit oui, ce sont des imposteurs, ceux qui racontent ce sont des imposteurs, ce sont des détracteurs de l'évangile, on nous a calomniés, on a donné tous les noms. Je dis bien tous les noms. Auparavant, qu'est-ce que l'imposture et qui est réellement imposteur? La définition qui en est faite dans le dictionnaire se décline donc en deux sens. C'est-à-dire, imposteur veut dire action de tromper par de fausses apparences ou bien des allégations mensongères. Lorsque nous prenons l'histoire de Noël, où sont les allégations mensongères? Les allégations mensongères se trouvent de quel côté? C'est du côté de la religion qui prétendent que Jésus-Christ aurait demandé à qui que ce soit ou bien aux apôtres, moi je n'ai jamais lu ça dans la Bible, de fêter sa naissance. Ce qui est absolument faux, Jésus n'a jamais demandé à qui que ce soit de fêter sa naissance. Dans le livre de Romains, au chapitre 10, à partir du verset 8, au verset 9, verset 10, verset 11, nous recevons Jésus par sa mort et sa résurrection. Et également, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11, lorsque l'apôtre Paul donne l'institution de la Sainte Cène, il dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le dernier jour de sa vie, il a réuni les apôtres, il a dit, prenez ceci. C'était le dernier jour de sa vie, quelques heures seulement avant sa crucifixion. Mais il n'avait jamais mentionné le mot que vous utilisez toujours, la naissance de Jésus, nous fêtons la naissance de Jésus. Alors là, ce sont des allégations mensongères qui se trouvent dans la religion, les religions qui sont en train de nous calomnier. Eux, ils disent que nous sommes des imposteurs, ils disent que nous sommes des sectes, alors que c'est réellement l'œuvre de Satan. Vous voyez, dans ce que j'ai entre les mains, c'est des documents téléchargés dans la Bible de Satan. Dans la Bible de Satan, il est dit ceci, que ce sont les églises qui sabotent son travail, que lui, Satan, il est le prince. Satan représente l'opposition à toutes les religions qui condamnent l'homme pour ses instincts naturels. Or, la Bible déclare que nous ne devons plus vivre selon la chair. Et lui, il dit que c'est lui, Satan, qui supporte l'homme, qui amène l'homme à vivre selon ses instincts naturels. Et donc, ça frustre les êtres humains parce que la Bible déclare, dit aux gens de ne pas vivre selon la chair. Il a été défini comme mauvais simplement parce qu'il représente la chair. Vous voyez, Satan dit à ses agents que lui, les églises, Dieu lui-même avait défini Satan comme une personnalité mauvaise parce qu'il supporte l'homme dans ses principes charnels, dans ses actions charnelles. Vous voyez donc l'action de Satan. Il calomnie Dieu, il calomnie tous ceux qui disent la vérité. Et c'est comme ça même dans les religions, quand tu apportes la vérité sur les histoires de Noël, on te catalogue, directement, tu es indexé en disant, voici, lui ne fait pas comme nous, ce sont des sectes, ce sont des ceci, on vous donne plusieurs noms. Vous voyez, quand on parle de l'imposteur, on dit ce sont des imposteurs. Imposture, c'est quoi? Caractère de tromperie. Alors, qui trompe l'autre? C'est Satan. Dans le cadre des manifestations, des célébrations de Noël, qui trompent l'autre, parce que c'était des fêtes traditionnelles romaines. Des fêtes traditionnelles romaines touchant leur idolâtrie, touchant ce qu'ils adoraient auparavant, leur dieu, le dieu soleil, et le dieu de la fertilité, et le dieu des richesses. Alors, c'est ainsi que le roi de l'époque romain, puisque ce sont des Romains qui gouvernaient toute l'humanité auparavant. Et puis, ils ont décrété cette fête. Ce décret touchant l'Église chrétienne dans les 2 premiers siècles de l'ère que nous vivons aujourd'hui, l'ère de Christ. Au 2e siècle, entre la fin du 2e siècle et le début du 3e siècle, ce roi va se lever et il dit non, il faudrait unifier toutes les fêtes, que ce soit nos fêtes païennes et la fête de la naissance de Jésus. Ils vont donner un nom comme Noël. Et Noël veut dire Dieu n'existe pas. Faites vos recherches. Ça veut dire Noël veut dire Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Si vous cherchez réellement, vous faites des recherches, vous allez trouver que Noël, tout le langage que tout le monde utilise sans connaître la signification, Dieu n'existe pas. Donc nous sommes en train de fêter Noël, ça veut dire que nous sommes en train de fêter. Nous sommes en train de te fêter, dire que Dieu n'existe pas. À chaque fois que tu prononces le nom de Noël, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Et comme l'arbre de Noël que vous placez chez vous à la maison, c'est un gros fétiche des Romains et tout animal que vous allez égorger. Et aussi, toute manifestation de fête, vous dansez à la gloire du diable, vous chantez à la gloire du diable, même si tu es dans une église, tu es en train de chanter à la gloire du diable, tu es en train de danser à la gloire du diable, toute parole qui sortira de ta bouche touchant Noël, c'est la gloire du diable. Vous voyez, si je le dis aujourd'hui, c'est parce que moi-même, dans ma famille, né d'un père catholique, et d'une mère protestante, mon histoire est connue puisqu'elle se déroule dans ce pays qui est le Cameroun et dans ce village au milieu des hommes et femmes dans l'entourage des villes comme Douala et Déa également. J'ai été, dès les premiers temps de ma jeunesse, de mon enfance, élevé dans l'influence de la religion traditionnelle de mon père, de la religion traditionnelle de ma mère. Ma confirmation dans les sacrements religieux s'est faite à Akono. Akono, c'est quoi? C'est un petit arrondissement, donc mes origines. Je ne réclame ni le titre de pasteur, ni celui de prêtre, ni celui de pape, de cardinal. Mais c'est Christ qui m'a appelé à son ministère, comme il l'a fait avec l'apôtre Paul, selon qu'il est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 10. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc quand on dit docteur, ce n'est pas un docteur en théologie, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Quand on dit également apôtre, parce que je suis réellement apôtre, parce que Dieu m'a utilisé à fonder beaucoup de ministères, beaucoup de ministères, beaucoup d'églises dans le monde. Donc je disais, mon appel ne repose sur une révélation de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul est revenu là-dessus à plusieurs reprises. Lorsqu'il dit, je vous déclare frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Christ. Paul ne considère pas sa connaissance excellente reçue dans les écoles pharisaïques comme étant la base de son appel, mais plutôt sa rencontre avec le Seigneur qui s'est révélée à lui, et c'est ma rencontre avec le Seigneur qui s'est révélée à moi. Et pourtant, je sortais fraîchement. J'étais toujours catholique. Il ne s'est jamais révélé à mon père. Et mon père est mort. Étant catholique, il est allé en enfer. Parce que on n'est pas sauvé parce qu'on appartient à une religion. On n'est pas sauvé parce que ta mère appartient à une religion. On est sauvé parce que tu as une relation particulière avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la dimension. Et cette dimension ne vient essentiellement que du Seigneur. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ceux qui disent que ce sont des imposteurs, vous allez entendre la vraie parole aujourd'hui et ce qu'on appelle vrai appel. Donc j'ai la liberté de sanctionner un mensonge que l'on peut faire dire à Dieu alors que Dieu n'a rien dit. La Bible déclare que tout ce que vous ajoutez dans la Bible est un mensonge. Et si vous ajoutez des mensonges, soi-disant Marie est montée au ciel, Jésus est né le 25 décembre, ce qui est archi faux. On a déjà démontré par A plus B que personne ne peut rester dehors en hiver, dormir en hiver dehors, comme ils ont prétendu le dire. Qu'il y avait les bergers, Jésus est né dehors en plein air, mais ce qui est faux, ce n'était pas en hiver, parce que la période du 25 décembre, c'est la période de l'hiver. Je viens de quitter le dehors tout de suite. Tout de suite, ça ne fait pas 15 minutes ou 20 minutes, j'étais avec mon épouse. Et puis, on était tous enveloppés, parce qu'il fait extrêmement froid, parfois ça descend à moins 0. Qui est celui-là qui va prendre le risque de dormir en plein air? De dormir, regarde, ou bien de marcher comme ça, à l'époque, ce n'était pas possible, pas du tout. Donc, c'est un mensonge. On amène les gens à vivre dans le mensonge, à manger dans le mensonge, à boire dans le mensonge et à s'habiller dans le mensonge. Et le mensonge qui est le père du mensonge, il s'appelle réellement Satan. Et lorsque tu vas dire la vérité, comme la Bible le dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Les gens dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et comme le diable a réussi à leur aveugler l'intelligence, ils vont te calomnier en disant que ce sont des imposteurs, ce sont des va-nu-pieds, ce sont ceci, ce sont cela, et ainsi de suite. Et vous savez, nous prêchons Jésus. Qui est Jésus? Ce n'est pas la religion qui peut sauver qui que ce soit. Car lorsque Pierre arrive chez l'homme qu'on appelle Corneille, Corneille était dans la religion, mais Monsieur Corneille vivait avec la loi de Moïse. Il vivait, étant juste selon les premiers versets de ce chapitre, qu'il y avait un homme, Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, cet homme était ceci, il craignait Dieu, mais Corneille n'était pas né de nouveau. Dans la religion, il y a des gens qui craignent Dieu. Ça ne veut pas dire que ils craignent Dieu, mais comme ils sont nés avec le péché originel, ils ne peuvent jamais entrez au ciel parce que vous craignez Dieu. Sinon, Dieu n'allait pas prendre toute la peine d'envoyer Pierre encore parler de Jésus à Corneille. Pourquoi? Parce que les trois premiers versets révèlent que M. Corneille était juste, selon la loi. M. Corneille craignait Dieu. M. Corneille faisait les aumônes, distribuait tous les biens. Quand il rencontrait quelqu'un qui était pauvre, il donnait la nourriture à cette personne, il donnait les habits, donnait son argent à l'église. Mais comme il n'était pas né de nouveau, et Dieu a vu que si ce monsieur meurt, il ira en enfer parce qu'il est né avec cette condamnation. Cette doctrine, mon père ne l'avait pas reçue, ma mère ne l'avait pas reçue, et puis ma mère est morte. Or, mon père faisait du bien à plusieurs personnes, que ce soit mes oncles. Mon père a travaillé, il aidait plusieurs personnes dans son entourage, dans la famille, et il utilisait tout son argent pour les membres de sa famille. Mais quand mon père va mourir, c'est d'abord les sorciers qui l'ont tué. Et pourquoi Dieu n'a pas pu protéger mon père? Parce que mon père, Dieu ne le connaissait pas. Malgré les actes de gentillesse, malgré les actes vraiment ô merveilleux qu'il posait, il aidait les gens, les orphelins, les pauvres, il aidait ses propres frères qui n'avaient rien, parce que c'est lui seul qui fut le seul fonctionnaire de l'époque entre ses frères. Mais quand mon père, les sorciers du village, ses propres frères, vont le manger en sorcellerie, Dieu était là, il voyait. Parce que Dieu ne peut pas agir au-delà de ce qui est écrit dans sa parole. C'est pas parce que tu donnes, fais du bien aux gens que réellement Dieu va te protéger. Dieu protège essentiellement les hommes et les femmes qui sont aussi nés de nouveau. On n'est pas né de nouveau parce qu'on observe la loi de Moïse, les 10 commandements. On n'est pas né de nouveau parce qu'on appartient à une certaine religion. Mais on est né de nouveau parce qu'on a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel et qu'on a identifié la présence du péché originel et qu'on a identifié les alliances héréditaires passant par les coutumes, passant par les traditions, passant également par toutes les pratiques que nos ancêtres, nos parents ont posées comme actes. On doit les identifier. Et parce qu'on a aussi identifié nos propres péchés et qu'on a demandé pardon à Dieu par rapport à l'existence de ces péchés. C'est ce qu'on appelle la repentance. Et également, il faut le faire avec un esprit, c'est-à-dire tu connais ce que tu fais. C'est pas un bébé. Un bébé ne sait, ne peut pas se repentir. Et pourquoi donc la religion, quand la religion arrive, commence à baptiser des bébés, commence à baptiser tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Et c'est pourquoi les gens dans les religions ne sont pas nés de nouveau. Parce que ils ont été christianisés. Mais non, ils ne sont pas nés de nouveau. Être christianisé est différent de la nouvelle naissance. Vous voyez. Et la Bible déclare, vous savez comment Dieu a oint. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Paul démontre qu'il était très avancé dans la prestigieuse école de Gamaliel, lui Paul, célèbre docteur de la loi juive. Gamaliel était un célèbre docteur de la loi juive. La Bible dit, je suis juif, Actes des Apôtres, chapitre 22, à partir du verset 3. Je suis juif, né à Tarse, comme moi, né en colonne longue 2, en Cilicie. Je dis bien en colonne longue 2, paracône, pour moi. J'ai lu le verset de Actes, chapitre 2, verset 3, c'est Paul qui parle. Et moi, j'ajoute, je dis ceci, comme Paul se présente, moi aussi je me présente. Paul dit qu'il est, je suis juif, je suis Camerounais, moi. Né à Tarse, il est né à Tarse, moi je suis né à Conan, en colonne longue 2. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Et je suis né dans ce village étant plein de zèle parce que j'ai reçu mon baptême, j'avais reçu ma confirmation, mais ça ne m'a pas empêché d'être initié à la magie. Ayant déjà reçu la confirmation de l'archevêque général de Yaoundé au nom de Jean Zoa, j'avais reçu toutes ces pratiques religieuses. La confirmation, d'abord le baptême bébé et puis la première communion, la confirmation. Au bout du compte, j'ai commencé à étudier ce qu'on appelle la magie, à être initié dans la magie. Paul également, la Bible dit, la Bible confirme que l'apôtre, à l'instar de Pierre, Jean et les autres qui suivaient Jésus, étaient reconnus par le peuple des hommes sans instruction. Ici, de nos jours, dès que tu parles de Dieu, on te demande déjà, tu étais dans quel séminaire? Tu étais dans quelle université biblique? Mais la Bible déclare que ceux qui marchaient avec Monsieur Jésus, ces apôtres qu'il avait choisis, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13, Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec qui? Avec Jésus de Nazareth. C'était des gens sans instruction. L'instruction théologique n'est pas la nouvelle naissance. Si un pape n'est pas né de nouveau, c'est l'enfer pour lui. Si un cardinal n'est pas né de nouveau, c'est l'enfer pour lui. Et si un prêtre n'est pas né de nouveau, c'est l'enfer pour lui. Et si un, je peux dire, si un pasteur même n'est pas né de nouveau, selon le principe biblique, c'est l'enfer pour lui. Si un enfant, si un chrétien, entre guillemets, un chrétien n'est pas né de nouveau, c'est l'enfer pour lui. Donc mon appel se justifie selon la parole de Dieu par les guérisons diverses, des délivrances et la victoire sur les puissances des ténèbres. Selon Marc chapitre 16, verset 18, vous voyez, la Bible dit « Allez partout, le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Partagez la vidéo, partagez encore, il faut que ça touche encore une panoplie de personnes, de personnalités dans le monde, pour que chacun puisse s'identifier dans cette prédication, si tu es réellement né de nouveau, ou bien tu vas seulement fêter Noël comme les autres sont en train de fêter dans ce bruit, dans ce brouhaha. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qu'est-ce qui commence? Croire ou baptiser? Mais dans les religions, on a commencé par baptiser. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'a pas dit celui qui ne sera pas baptisé. Il a dit celui qui ne croira pas sera condamné. Voici donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ceux qui auront cru, pas ceux qui sont devenus pasteur en passant par les écoles de théologie, ceux qui sont devenus prêtres ou cardinales en passant par des écoles de théologie, par des séminaires ou bien des grands séminaires. Tout cela n'a rien à voir avec la vraie foi en Jésus-Christ. Il dit, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, il dit, qu'est-ce qui va accompagner cela? C'est la puissance du Saint-Esprit qui va descendre. Lorsque tu crois, tu acceptes Jésus, tu acceptes le sang de Jésus détruit l'inimitié, c'est-à-dire une barrière spirituelle surnaturelle qui existe entre toi et Dieu. Il y a une barrière qui empêche le Saint-Esprit de descendre dans ta vie. Et cette barrière, quand tu crois, lorsque tu entends la bonne nouvelle, on ne te parle pas d'une religion, mais tu entends l'annonce de la bonne nouvelle que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres de Satan. Et l'œuvre de Satan dans la vie de qui que ce soit, c'est le péché originel, c'est les malédictions originelles venant d'Adam. Et dès que tu entends cet évangile, tu crois à cet évangile. Et là, la barrière est détruite par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Lorsque tu témoins devant les hommes, devant les femmes, devant celui qui t'annonce l'évangile, tu témoins que je reçois le Seigneur et je me répands d'avoir adoré Dieu, d'avoir prié sans être né de nouveau, d'avoir marché selon mes principes ou bien les principes d'une certaine religion. À partir de cet instant, la Bible déclare que si tu crois et que tu confesses, tu crois dans le cœur et que tu confesses de ta bouche, à partir de cet instant, le Saint-Esprit descend sur toi. Il entre en contact avec ton esprit, tu deviens une autre personne. À l'instant même, tu deviens une autre personne. Donc, à la lumière de ces révélations du Saint-Esprit, où se trouve l'imposture alors? Là, je suis en train de parler, de dire Bible. Où se trouve donc l'imposture de ceux qui disent qu'ils sont des imposteurs? Puisque l'appel de Dieu repose sur Jésus-Christ et non sur des connaissances théologiques, philosophiques, intellectuelles ou bien culturelles. Rien à voir avec tout ceci. Vous voyez Éphésiens chapitre 4, verset 10 à 15 dit ceci, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ, celui qui est le patron Christ. Ce n'est pas le patron de l'Église catholique qui est le pape, ce n'est pas le patron de l'Église adventiste, ce n'est pas le patron de l'Église protestante, de l'Église de ceci, de l'Église de cela, non, non, non. C'est Jésus qui est le patron de l'Église du réveil et l'Église pentecôtiste. Ça veut dire les gens qui croient à la manifestation, qui passent par la nouvelle naissance pour adorer Dieu. Les vrais adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité par le canal de la nouvelle naissance. Donc la mission qui se dégage de mon appel n'a rien à voir avec des considérations théologiques, universitaires et philosophiques qui ne sont que des fables habilement conçues et qui ne contribuent qu'à la... à maintenir le peuple dans la servitude, l'esclavage du diable. C'est ça, Noël, l'esclavage de Satan. On vous maintient dans l'esclavage de Satan, vous adorez le diable sans le savoir. Vous adorez les démons sans le savoir. La Bible précise, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Colossiens chapitre 2, verset 8. Et non sur Christ. Vous vous appuyez sur les religions, vous vous appuyez sur les temples, vous vous appuyez sur des pasteurs, vous vous appuyez sur qui que ce soit. Il faudrait plutôt s'appuyer sur Jésus-Christ. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Comme le texte vient de le dire, c'est Dieu qui m'avait choisi. Il m'a aussi doté d'un instrument et des directives qui se trouvent dans les Saintes Écritures. Et cela est manifeste dans mon ministère par des miracles, des guérisons, des signes et des prodiges, selon Actes chapitre 26, verset 17, verset 18 qui dit « Mais Jésus dit à Paul, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Ceux qui ont les yeux fermés adorent Noël. Partagez encore la vidéo. Si tu n'as pas les yeux fermés, partage encore la vidéo. Parce que ceux qui ont les yeux fermés ne peuvent jamais partager cette vidéo. Ils ne peuvent jamais m'aimer. Ils viendront tout simplement m'insulter. Parce qu'ils ont les yeux, ils sont aveuglés. La Bible déclare, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Jésus dit à Paul, j'étais choisi du milieu de ce peuple. Il m'a choisi au milieu des chrétiens, des religions et de tous les Camerounais, du milieu des païens vers qui il m'envoie afin que Dieu puisse leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'ignorance. Parce que vous voterez, vous appuyez sur les traditions des hommes. Noël, c'est une tradition des hommes. Noël, c'est une fête diabolique. C'est une fête satanique. Rien à voir avec les Saintes Écritures. C'est une fête qui s'appuie sur les traditions des Romains, sur les coutumes romaines. Et puis, c'est un mélange. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, précise, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Les ténèbres, c'est quoi? C'est cette pratique, ces pratiques sataniques qui, on veut essayer de christianiser les pratiques sataniques, ça ne peut pas marcher. Hein? Ça ne peut pas marcher. J'étais établi pour amener ce genre de la lumière, des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. C'est Jésus qui parle à Paul. Et il dit à tous les enfants qui doivent naître de nouveau, à toute personne qui va naître de nouveau aujourd'hui, demain, après-demain. Dieu nous appelle pour que nous puissions recevoir par la foi en Jésus-Christ le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. avec les sanctifiés. Paul dit, je n'ai point résisté à l'appel. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il dit, il n'a pas résisté à l'appel. Moi, je n'ai pas résisté à l'appel. Dès que Dieu m'avait délivré, il a dit, va et raconte. Et c'est pourquoi ce livre-ci que vous voyez a été écrit. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. C'est depuis 26 ans que ce livre a été écrit parce que depuis 27 ans aujourd'hui que j'ai été délivré, et j'ai commencé à écrire également le témoignage et j'avais envoyé le manuscrit dans les éditions Parole de Vie en France pour que ça soit édité. Et ça a déjà été réédité à plusieurs reprises. Et vous allez rencontrer l'histoire que je suis en train de conter en quelques mots dans ce livre. Va raconter ce que j'ai fait pour toi, comprendre comment moi j'avais servi Satan auparavant et Jésus est venu m'arracher entre les mains de Satan. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, serviteur qui annonce l'évangile, qui annonce la vérité. Donc après ma délivrance le 22 février 92 à Edea, j'ai annoncé l'évangile à travers le Cameroun, bien plus à travers, j'ai traversé les frontières, le Nigeria, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Burkina Faso, la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, les États-Unis. Je me suis également investi dans les œuvres humanitaires, l'aide aux démunis, la distribution des fournitures scolaires aux enfants déshérités, l'organisation des journées médicales, la réinsertion sociale des enfants victimes de la guerre. Partout où je suis passé, Dieu m'a utilisé puissamment. Ce n'était pas seulement l'annonce de l'évangile. Ça prouve également que Dieu m'a appelé. Comme le livre, l'épître de Jacques nous dit au chapitre 2, au verset 14 jusqu'au verset 18, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, allez en paix. Vous êtes en train de fêter Noël, où vous aviez déjà acheté des kilos de viande, acheté des poulets, acheté du poisson, le vin rouge, la bière, et également du whisky, pendant que tu fêtes Noël. Mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui meurt de faim, qui n'a pas trouvé un grain de riz. Et toi, il y a des millions dans tes comptes bancaires, des milliards dans tes comptes bancaires. Pendant ce temps, les gens meurent de faim autour de toi. Et tu dis que tu es également en train, tu iras dans une église à minuit pour aller chercher la bénédiction. Est-ce que c'est Dieu? Partagez encore cette vidéo qui est très importante. Est-ce que c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu du tout. Dieu n'est pas là-dedans dans vos histoires de Noël. C'est une fête des commerçants, une fête du commerce pour faire la promotion des œuvres de Satan. C'est ça la fête de Noël. Rien à voir avec Dieu lui-même. Des fêtards. Comme la Bible le dit, le peuple s'est assis pour se divertir. Et c'est comme ça, quand ils ont traversé la mer Rouge, Moïse monte sur la montagne pour aller rencontrer Dieu directement. Les gars se sont assis. Ils ont commencé à danser en adorant le veau d'or. Le Noël aujourd'hui, c'est le veau d'or. C'est une fête satanique démoniaque. Et tout ce qui s'hasarde, tout chrétien qui s'hasarde à fêter cela et qui entre en achetant, que ce soit des habits au nom de Noël, des chaussures au nom de Noël, sachez que vous offrez votre argent en sacrifice. Et c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la pauvreté. Après avoir offert des sacrifices financiers à Satan, et tu viens voir Dieu pour te bénir. Quel est le Dieu qui va te bénir? Après avoir acheté la nourriture, tu es en train de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Que ce soit la viande du bouc, que ce soit la viande du poulet, la viande, toute viande que tu vas acheter et manger au nom de Noël, c'est une viande qui est sacrifiée aux idoles, les idoles du diable passant par les fêtes, célébrations des fêtes de Noël. Et toute nourriture, même les boissons, les breuvages que vous allez boire, c'est des viandes sacrifiées aux idoles. Tout le monde entier est en train de sacrifier aux idoles aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont en train de se préparer. Et c'est pourquoi fête de Noël. Aujourd'hui, à la veille de la fête, je voyais des accidents graves. En Côte d'Ivoire, j'étais sur Facebook aujourd'hui et j'ai vu un accident grave également. Plusieurs voitures qui étaient impliquées. Les immeubles qui se sont effondrés au Cameroun cette semaine qui vient de se passer. Et c'est comme ça que le diable est en train de récupérer les sacrifices. Il récupère les sacrifices physiques. Il récupère également les sacrifices financiers puisque vous allez acheter. Il récupère les mariages. Il récupère la prospérité. Puisque vous allez acheter en donnant à tous ces satanistes qui ont inventé les histoires de fête de Noël pour vous amener à dépenser. Et tu vas arriver dans une église ayant déjà dépensé des millions, des centaines de mille, des dizaines de mille selon le rang social de chacun. Et puis tu viens te tenir. Tu dis, je veux faire une action de grâce. Je remercie le Seigneur qui m'a protégé depuis 1er janvier jusqu'à présent. Tu prends 1 000 francs, c'est 1 000 francs CFA, ou bien 10 euros, 50 euros, tu donnes, tu jettes dans le panier. Regarde un bandit spirituel, qui se présente dans une église. Et vous voyez comment Dieu peut être content de ce que tu fais. Après avoir dépensé pour la fête du diable, pour ta famille et toi, acheter des jouets à tes enfants, et tu vas même acheter des jouets qui sont des pistolets, des jouets qui sont ceci, des jouets qui polluent la conscience de tes enfants, qui détruisent la conscience de tes enfants, ils vont manifester ce démon. Après avoir acheté les jouets, tous ces démons vont entrer dans leur corps et des enfants deviennent intrépides, arrogants, désobéissants, sorcellerie. Ils sont initiés à la sorcellerie. Et puis tu vas te poser les questions, pourquoi mes enfants se prostituent très tôt? Pourquoi mes enfants sont désobéissants? Pourquoi mes enfants sont comme ça, sont nuls à l'école? Pourquoi mes enfants sont toujours malades? Oh, parce que tu les as sacrifiés aux fêtes de Noël. Tu les as sacrifiés par rapport à tout ce que toi tu es en train de faire là. Vous voyez? Partagez encore la vidéo, s'il vous plaît. Partagez encore la vidéo. Et je veux dénoncer tout cela. Parce que Dieu m'a dit de dénoncer et de parler. Parce qu'on ne sait plus faire la différence qui est qui. Je reconnais que nous, serviteurs de Dieu, avons tous du zèle pour Dieu, mais recherchons chacun en ce qui le concerne et sur le fondement biblique si notre zèle est en phase avec les directives de Dieu. C'est dans les fondements bibliques, c'est dans la parole de Dieu que nous allons vérifier si réellement notre zèle a des fondements bibliques. Qu'est-ce que l'église et comment reconnaître une église de Dieu? C'est ça le problème. C'est pas l'église où on met une grosse croix. Et puis, on dit, on met les trucs de la naissance de Jésus, on dit c'est ça l'église. Ce n'est pas ça l'église. Selon le dictionnaire Larousse, l'église est la société religieuse rassemblée dans la foi en la personne et l'enseignement de Jésus-Christ. Ok. La Bible, pour sa part, nous révèle que Christ est le chef et le bâtisseur de son église. Selon Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera également délié dans les cieux. On remarque donc que la définition du dictionnaire corrobore celle de la Bible qui affirme que Christ est réellement le chef de son Église, comme l'indique Éphésiens chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Pourquoi vous laissez donc la parole de Christ, l'enseignement de Christ, et puis vous commencez à donner des enseignements ou bien à fêter des soi-disant révélations des religions qui n'obéissent pas aux enseignements de Christ, aux révélations de Christ? Je m'adresse à ces pasteurs des églises des réveils et qui sont en train de fêter Noël aujourd'hui. Je m'adresse à vous. Est-ce que vous êtes réellement des appelés du Seigneur ou bien vous faites ça, vous êtes des agents de Satan qui sont là seulement pour envoyer les brebis du Seigneur en enfer? Il faut répondre à cette question. Tous les pasteurs qui sont en train, le jour de Noël, moi j'organise plutôt une veillée de prière pour appeler tous les païens à venir recevoir le Seigneur. C'est ce que vous devez faire dans les églises, et non de parler de ce qu'on appelle fêter Noël. Fêter Noël, non. on ne fête pas Noël. Un enfant de Dieu né de nouveau ne fête pas Noël. Car la nouvelle naissance est le fondement de l'enseignement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme il le disait à Jean au chapitre 3, versets 1 à 11. Mais il y eut un homme nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Quelle parole! Il est en train de flatter Jésus. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Si vous ne comprenez pas, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ce soir, je vais vous parler, vous démontrer que Noël n'a jamais été biblique, il ne sera même pas biblique un jour. C'est l'enfer pour ceux qui sont en train de fêter. Et essayez également, vous êtes possédés, tous ceux qui ont mangé, tous ceux qui ont bu et qui ne se sont pas repentis, qui ont bu dans les maisons de leur père, dans les maisons de leur mère, quand ils étaient enfants, et qui en recevant le Seigneur, ne se sont pas repentis de ce péché, ils ne savaient même pas d'abord que c'était un péché, et qu'il y a une porte qui était ouverte au démon dominateur. Et je vais vous révéler le nom de ce démon dominateur tout à l'heure, avant de finir. Et qui, tu appartiens à ce démon, tu montes, tu descends, tu appartiens à ce démon, et c'est pourquoi tu as des difficultés dans la vie, tu as des problèmes dans la vie, tu as des problèmes graves dans ta propre vie à cause de ça. Jésus, la Bible déclare, Jésus lui répondit. Il répond à qui? À Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème, qui est le grand docteur? Si Nicodème vivait aujourd'hui, il allait avoir le rang de pape. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau? Peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Partagez encore sans relâche. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors ne vous étonnez pas que je vous demande, vous qui adorez Noël, qui fêtait Noël, pas adoré, mais qui fêtait Noël, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau pour comprendre les choses de Dieu. Vous n'êtes pas né de nouveau. Chaque pasteur, chaque brebis d'une église de réveil qui fête Noël n'est pas né de nouveau. C'est l'enfer. Tu iras en enfer, ton pasteur en enfer. Il ne peut jamais inventer autre doctrine que la doctrine que Jésus-Christ a enseignée. Et c'est par là que se font connaître les enfants du diable et les enfants de Dieu. Selon l'enseignement du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, qui marque la naissance de l'Église, la repentance et la foi en Jésus-Christ constituent la clé qui mène à cette nouvelle vie. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, « Je te donne les clés. » Et c'est pourquoi aussi Pierre fut le premier. Pierre fut le premier à prendre la parole le jour de la Pentecôte. Il fut le premier à prendre la parole le jour de la Pentecôte. Il s'est levé. Après avoir entendu ce discours, dit la Bible, depuis longtemps, il y eut des cœurs vivement touchés après avoir entendu le discours de Pierre et les autres hommes. Hommes, frères, que ferons-nous? Parce que le discours de Pierre, c'était la clé qui ouvrait le ciel pour eux. Lorsque Jésus disait aux pharisiens, à Pierre, je te donne la clé, j'ai cité ce verset tout à l'heure, je te donne la clé. C'était ça, cette prédication, c'était ça, cette onction. La clé du ciel, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et s'il n'y a pas cette prédication, il n'y a pas cet enseignement, et si vous vous cantonnez sur les trucs de Noël, vous irez en enfer. Si vous cantonnez sur les noms des religions, vous irez en enfer. Et lorsque Pierre ouvre la bouche, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Il n'a pas commencé par le baptême, s'il vous plaît. Il n'a pas commencé par la religion. Il n'a pas dit, venez dans ma religion, c'est celle-là qui est la meilleure. Il n'a pas dit, recevez le baptême et vous serez nés de nouveau parce que le baptême enlève le péché originel. Pierre n'a jamais prononcé une telle phrase indiquant indiquant tout simplement que le baptême enlève le péché originel. Et Pierre même va jusqu'à dire, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 18, à partir du verset 18 en descendant, il dit le baptême n'enlève pas les souillures du corps. Mais le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Mais dans la religion, ils ont enseigné que le baptême, quand tu es baptisé, c'est ça qui détruit le péché originel. Ce qui est archi faux bibliquement parlant. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 18, 19, 20, 21, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit à ce niveau? Il n'est pas dit, un seul trait ne dit pas que le baptême enlève les souillures du corps. Alors de quelles souillures il s'agit? C'est du péché originel, les malédictions que Dieu aurait prononcées sur Adam et sa femme. Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, verset 15, 16, 17, 18. Dieu aurait même condamné Adam à la pauvreté. Et c'est cette pauvreté qui se manifeste dans nos vies aujourd'hui. Pauvreté spirituelle, pauvreté matérielle, pauvreté spirituelle, pauvreté matérielle, pauvreté dans le domaine de la sagesse, pauvreté, pauvreté, pauvreté, pauvreté. Il n'y a que la sorcellerie partout. C'est cette pauvreté qui se manifeste aujourd'hui. Ceux qui disent qu'ils sont riches alors qu'ils n'ont pas Jésus. C'est pourquoi Dieu dit, tu dis je suis riche, je me suis enrichi, mais c'est que tu ignores, monsieur, tu es pauvre, tu es minable, tu n'es rien. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 17, tu n'es rien. Et Pierre continue à dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse, sauvez-vous de cette génération perverse. Quelle est la génération perverse dont Pierre pointait du doigt? Et c'est cette génération adamique qui est perdue. Cette génération adamique maudite depuis longtemps, depuis Genèse. Cette génération adamique qui est née étant séparée de Dieu. Tout être humain dans ce monde est né étant séparé de Dieu. Le péché est entré dans le monde. Romains chapitre 5 verset 12. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Romains chapitre 5, verset 12, en montant. Voilà ce que la vraie Bible, la vraie parole de Dieu enseigne. Et la parole de Dieu dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils ont d'abord accepté la parole, étant conscients des actes qu'ils vont poser. Mais on t'a baptisé étant enfant. Est-ce que tu étais conscient? Il n'y a pas un seul bébé qui peut être conscient. Moi, on m'avait baptisé étant bébé, mais je ne sais pas, je ne connais, je n'ai même pas une image de ce baptême dans ma tête. Mais le jour que j'ai accepté le Seigneur, on m'a amené au bord de l'eau, on m'a baptisé à la Sanaga Aidea. J'ai encore cette image dans ma tête jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, ils étaient conscients. Et Pierre enseigne que le jour qu'on te baptise, après avoir reçu le Seigneur, après avoir confessé le Seigneur, après l'avoir accepté, après avoir confessé des péchés, préparant d'abord. Donc le premier péché, c'est le péché originel, deuxième héréditaire, troisième personnel, et tu invoques le sang de Jésus, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Après avoir confessé, après avoir fait cette repentance, tu commences à invoquer le nom du Seigneur, le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ça, c'est le vrai évangile. Il est rare aujourd'hui de rencontrer un homme de Dieu qui prêche cet évangile. On ne fait que prêcher sur les miracles, sur la prospérité et parfois des fausses miracles qui viennent des démons de divination, qui viennent des démons de divination. Il peut te dire toute ta vie, mais il n'est pas capable de te prêcher le vrai évangile qui touche, qui t'amène à la nouvelle naissance. Mais il peut te dire tout. Mais qui vous dit que qui vous dit aujourd'hui que si quelqu'un raconte quelque chose sur ta vie et puis tu vas dire que c'est Dieu qui lui a parlé? Est-ce qu'on t'a dit? La Bible déclare que Satan est un menteur. Mais ce n'est pas le mensonge sur les problèmes de vérité. Parce que quand on vous dit Satan est un menteur et d'autres sont restés accrochés sur le fait que si une parole ou une prophétie, une révélation ne s'accomplit parce que ça venait de Satan. Qui te dit ça? Écoute-moi bien. J'ai dit ceci. Satan a dit à Jésus, un jour, Il est écrit que ton pied va se heurter sur une pierre et puis, mais est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai que c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Mais comme ça vient de Satan, ça devient un mensonge. Pourquoi Monsieur Pierre, Paul, pardon, lorsque Paul, Actes chapitre 16, à partir du verset 16, Monsieur Paul, la Bible déclare qu'il y avait cette fille qui avait l'esprit de divination. Et la jeune fille disait, oh, écoutez ce serviteur de Dieu qui vous annonce la voie du salut. Est-ce que c'était faux? Non, ce n'était pas faux. Il ne mentait pas. Mais le mensonge est détecté à quel niveau? Le mensonge, c'est la source de cette vérité. On peut te dire que tu vas mourir demain. C'est vrai que tu vas mourir demain. Et ce prophète, c'est vrai que tu vas mourir demain. Il peut te dire que ceci est arrivé, on t'a vendu. Mais si ce prophète n'a pas l'esprit de Dieu, s'il n'est pas né de nouveau, c'est Satan qui te parle. Et Satan parle. Il peut te dire toutes les vérités. Mais cette vérité, la vraie vérité, est que l'esprit qui te parle, qui te donne des informations exactes sur ta vie, il peut même te donner ton nom, il peut même te donner le nom de ta femme, il peut même te donner le nom de ton village, il peut même te donner tout ce que tu connais de toi-même, qui s'est passé, qui s'est déroulé dans ta vie il y a 25 ans, 30 ans, et puis tu vas dire qu'il dit la vérité. Mais là, selon Dieu, il ne dit pas la vérité, parce que l'esprit qui révèle ces choses n'est pas l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit descend uniquement sur une personne qui a reçu Jésus, une personne qui a reçu dont le péché originel a été détruit, dont le péché originel a été détruit dans ta vie. Donc, quelqu'un qui me dit des choses, soi-disant prophète, qui me dit, si on ouvre, voilà ceci, on a fait ça hier, tu as rêvé. Et pourtant, tu as vraiment rêvé dans la semaine que quelqu'un te poursuivait avec la maquette. Ce prophète ne t'a jamais connu, il ne t'a jamais vu, et puis tu arrives, il commence à te révéler les choses. Toi, tu vas dire que c'est la vérité. Mais Dieu sait que ce n'est pas la vérité parce que ton soi-disant prophète n'est pas né de nouveau. Et que la vérité passe uniquement par le Saint-Esprit. Et c'est un démon de divination qui révèle ces choses à ton soi-disant prophète, à ton soi-disant apôtre, à ton soi-disant pasteur. Et toi, parce que toi, tu ne recherches que des prophéties, toi, tu ne recherches que des paroles prophétiques, tu ne recherches que des prières, tu ne recherches jamais l'origine. Et toi-même, tu ne sais pas qui est né de nouveau, lui-même aussi ne sait pas qui est né de nouveau. Tu vas accepter, tu vas gober tout ce qu'elle t'a raconté ce jour-là. Et tu vas croire que c'est la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. La vérité n'est pas vouloir dire, et oui, tu sais, la voiture qui va là, il va faire accident. Et puis 3 heures plus tard, on te dit que cette voiture a effectivement fait accident. Et tu mets les mains sur la tête et tu dis, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. Qui t'a dit que c'est seulement l'Esprit de Dieu qui révèle ce genre de choses? L'Esprit de Satan révèle aussi ce genre de choses. Mais c'est pour te tromper, c'est pour t'attirer vers lui, afin qu'il puisse mieux s'accaparer de ton âme, qu'il puisse mieux s'accaparer de tes enfants, de ta vie, diriger ta vie. C'est comme ça que Satan fonctionne. Il y a beaucoup de soi-disant prophètes aujourd'hui qui utilisent cet esprit. Ils commencent à vous appeler mes enfants spirituels, vous êtes mes enfants spirituels, et ainsi de suite. Alors qu'ils vous conduisent vers Satan. Parce que vous n'avez. Et puis, ils vous font sortir de vos églises. Ils vous font sortir de vos églises. Là où tu es né de nouveau, là où tu as reçu le Seigneur, tu sors de cette église pour suivre un soi-disant prophète. Pourquoi? Parce que il m'a dit des choses qui se trouvent dans ma propre vie et je sais que c'est la vérité et ces choses se sont accomplies. Et tu penses que c'est ça que Dieu appelle vérité? Tu crois que c'est cela que Dieu appelle vérité? Vous voyez comment on vous manipule. Alors, partagez la vidéo. Partagez la vidéo par la puissance du sang de Jésus. Donc, je vous parlais effectivement de ce livre de Satan où Satan, qui est le patron du monde entier, il dit Satan, le prince du mal, était délinquant humain à Dieu. Ce n'est qu'au XIVe siècle qu'il a commencé à être dépeint comme un dieu démoniaque. Vous voyez, il dit, lui, c'est au XIVe siècle qu'il a commencé, c'est Satan qui parle dans son livre, qu'il a commencé à être dépeint comme un esprit démoniaque. Or, c'est faux. C'est ce qu'il dit dans sa Bible à ses agents. Et ses agents croient à ça. Jésus-Christ, avant le XIVe siècle, Jésus-Christ a parlé de Satan. Jean chapitre 8, à partir du verset 43-45, dit le diable, vous avez pour père le diable. Il parle de son propre fond, il est menteur et le père du mensonge. Donc vous voyez, ce n'est qu'au XIVe siècle qu'il a commencé à être dépeint comme un dieu démoniaque, mi-homme, mi-animal, tel un bouc avec des cornes et des sabots. Avant le christianisme, on lui donnait les noms de Satan, Lucifer, etc. Le côté charnel de la nature humaine était gouverné par Pan, était gouverné par Satan, Lucifer. Il dit le côté charnel était gouverné par Satan, Lucifer, de l'homme. Et c'est vrai, parce que c'est réellement gouverné par Satan, Lucifer. Mais il ajoute tout simplement Lucifer, parce que Lucifer était un ange. Cet ange-là qui avait péché contre Dieu par rébellion, et il est devenu Satan. On l'appelait Lucifer auparavant. Donc, il précise, mais grâce à Dieu, ils créèrent la magie blanche. Le nom qu'ils donnèrent ainsi était la seule différence entre les deux magies. Les vieux dieux ne mouraient pas. Ils tombaient en enfer et devenaient des démons. Les noms, donc, il commence à saboter l'enseignement. Il dit que ce sont les religions ou bien les apôtres qui ont enseigné ça, que les vieux dieux ne mouraient pas. Ils tombaient en enfer, ils sont devenus des démons, les vieux dieux. Donc, le vrai Dieu n'existe pas. Ce sont, quand Dieu vieillit, il tombe en enfer, devient démon. Voici l'enseignement de Satan. Que quand, et tous les satanistes croient ça. Tous les satanistes croient ça. Il dit que c'est le Dieu actuel. Lui, le Dieu actuel. Les vieux dieux ont vieilli et ils sont tombés en enfer. Ils sont devenus quoi? Des démons. Voilà ce qui est enseigné dans le satanisme, dans la Bible de Satan. Hein? Et il précise ceci. Il suppose ici que le démon, étant seulement un serviteur du diable, est plus facile à contrôler. Il dit ce sont les chrétiens qui supposent ici. Les recherches occultes montrent d'ailleurs qu'appeler le diable lui-même serait la chose la plus stupide à faire et la plus dangereuse, à moins d'être un sorcier téméraire. Il semblerait, et même d'après ses recherches, les protections qu'elles soient inefficaces, car la force dégagée par l'apparition d'une telle concentration d'énergie détruirait tous les environs à 5 km de la ronde, ce qui s'hasarde à appeler Satan, ainsi de suite. Ce sont les enseignements théologiques ont catalogué dans leur liste d'états des démons comme il fallait s'y attendre, mais ce qui suit contient des noms les plus utilisés dans les rites sataniques. Ce sont les noms et les origines des dieux et déesses qui constituent une partie de l'enfer. Et ces noms sont quoi? Il parle de Satan, Lucifer, Bélial, Léviathan et également Abaddon. Dis voilà les noms dont il fait allusion. Et ces noms, ils appellent, ce sont des dieux. Ce sont des dieux qui existent maintenant, qui gouvernent le monde. Or, ce sont des faussetés. Ce sont des faussetés et il y a des milliards de personnes qui croient à ça. Des milliards de personnes qui croient à ça. C'est pourquoi il faut annoncer l'évangile. Il faudrait annoncer l'évangile pour que ces milliards de personnes soient absolument sauvées, soient absolument libérées. Donc, vous voyez, il dit Satan, l'adversaire, l'opposant, l'accusateur, maître du feu, le sud. Maître, il dit, Satan se présente comme adversaire. Lucifer, porteur de lumière, porteur de la connaissance, l'air, l'étoile du matin, l'est. Vous voyez, c'est donc réparti. L'est, le sud, l'est, le sud, et en même temps, le nord et l'ouest. Et chaque esprit gouverne selon les quatre points cardinaux. C'est comme ça qu'il a fait la répartition du monde entier. Et lui, le général en chef, est là pour recevoir également les éloges de ce soi-disant Dieu, pour recevoir également les comptes rendus, ce qu'ils appellent les démons dominateurs, les esprits dominateurs. C'est pourquoi nous sommes appelés à détruire ces choses par la puissance du sang de Jésus-Christ, à détruire tout ce qui a été cité tout à l'heure. Donc prépare-toi parce que nous allons commencer la destruction tout de suite. Et si tu es né de nouveau, et si tu n'es pas né de nouveau, je te demande de naître de nouveau maintenant. Tu lèves les mains, même si tu es dans ta chambre. Même si tu es dans ta chambre, tu lèves tes mains. Même si tu es dans ta chambre, tu lèves tes mains. Que ce soit au bureau, tu lèves tes mains. Que ce soit dans la cuisine, tu lèves les mains. Tu laisses d'abord la sauce, tu lèves les mains. Et que ce soit dans la voiture, tu t'arrêtes, tu lèves les mains. Et tu commences à prier ensemble avec moi, reconnaissant d'abord que tu es né séparé de Dieu, par le péché, à cause du péché originel, à cause des malédictions originelles. Et que tu es né avec les péchés de tes ancêtres, les péchés de ton père, les péchés de ta mère, avec les péchés de tes ancêtres, du côté maternel, du côté également paternel. Tu commences aussi à les confesser, tous ces péchés, traditions, coutumes. Et tu commences aussi à confesser tes propres péchés. Et aussi toutes les condamnations, les malédictions y afférentes. Et c'est ici que tu commences à invoquer le sang de Jésus, à invoquer le sang de Jésus sur toi-même. Que le sang de Jésus puisse détruire le péché originel. Que le sang de Jésus puisse détruire les malédictions originelles prononcées par Dieu lui-même. Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, 16, 17. Et toutes ces malédictions seront détruites par le sang de Jésus dans ta vie. Que ton esprit soit libéré. Sors de la prison adamique et que l'Esprit de Dieu entre en contact avec ton esprit et que l'Esprit de Dieu commence à guider ton esprit pour te convaincre des autres péchés et qu'il révèle, que le Saint-Esprit révèle tous les péchés qui sont tapissés dans la zone de tension dans ta vie. À partir de cet instant, que le feu du Saint-Esprit descend au nom de Jésus-Christ et par la puissance du sang de Jésus, que la puissance et l'autorité de Jésus-Christ remonte dans les origines de ta vie, au nom puissant du Seigneur Jésus. Confesse, confesse, confesse le sang de Jésus. Parce qu'il est dit, l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et confesse en disant, que le Seigneur écrive mon nom, écris ton nom dans son livre de vie. Dis, Seigneur, écris mon nom dans ton livre de vie. Je t'accepte comme mon Seigneur personnel. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, tu es devenu mon Seigneur parce que ton sang m'a lavé. Et ton sang m'a purifié au nom de Jésus. Et tu répètes cette phrase que Satan, tu n'as pas de pouvoir dans ma vie. Satan, tu n'as pas d'autorité dans ma vie. Sorcier, tu n'as pas d'autorité dans ma vie. Tu ne peux plus jamais posséder ma vie. Tu ne peux plus jamais me détruire. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Parce qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et à partir de ce soir, tu es devenu enfant de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu es devenu enfant de Dieu, tu dois m'écouter tous les jours pour que tu sois enseigné. La Bible déclare, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait de 30 000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et aussi dans les prières. La persévérance maintenant aux enseignements, tu dois suivre nos enseignements tous les jours. Tu entres dans notre site www.lemondesurnaturel.net. Tu vas retrouver toutes les vidéos, les enseignements là-dedans. Tu commences à se régaler. Et en même temps, tu entres aussi, tu commences à la chaîne YouTube, Temple des Nations. YouTube, Temple des Nations, tu commences à suivre nos enseignements. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Tu vas progresser et tu iras très loin par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi nous commençons à parler, à prier. Incline, Psaume 31, verset 2. La Bible dit, incline vers moi ton oreille. À toi de me secourir. Dis à Dieu maintenant. Partage la vidéo, s'il te plaît. Partage encore la vidéo. Dis à Dieu maintenant d'incliner son oreille vers toi et qu'il se hâte de te secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut et où tu as trouvé ton salut, c'est Jésus. Jésus, tu es mon protecteur. Et par toi, par ton sang, j'ai retrouvé mon salut. Par le sang de Jésus, tu as retrouvé le salut. Par la puissance du Saint-Esprit, tu as retrouvé le salut. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu du Saint-Esprit, l'autorité de Jésus de Nazareth, que le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance continue à détruire toute manigance satanique au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance continue à se manifester d'une manière particulière au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le feu du Saint-Esprit détruit toute personne qui viendra aujourd'hui ou bien s'opposer à toi dans la sorcellerie au nom de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, se manifeste d'une manière particulière. Et la Bible dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Comme tu as reçu le Seigneur, la gloire de l'Éternel t'accompagnera au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Psaume 102, verset 3 dit, « Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. » Aujourd'hui, il doit te libérer. Ta face, la face de Dieu est toujours ouverte à cause du sang de Jésus. Ce n'est plus ta justice, mais c'est la justice de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, que le sang de l'Alliance, la Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance, projet de bonheur. » Toi qui acceptes Jésus comme ton sauveur, Dieu te donne le bonheur et non des malheurs. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, Dieu te donne le bonheur au nom de Jésus. Mais pour vous qui craignez mon nom, et seul il se lèvera le soleil de la justice, le soleil de la justification par Jésus, le soleil de la guérison sera sous les ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable à partir de maintenant. Toi qui as reçu le Seigneur, tu dois sauter comme les veaux par la puissance du sang de Jésus. Parce qu'aucun démon ne pourra jamais te toucher au nom puissant du Seigneur Jésus. Aucun esprit impur au nom de Jésus. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. N'entrez plus dans la malédiction de Noël. Noël est une malédiction, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est des choses, des fêtes criminelles. Et qui entraîne beaucoup de brebis se disant nés de nouveau dans les ténèbres. À partir d'aujourd'hui, abandonnez ces pratiques au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Naissez de nouveau selon la parole de Dieu, par l'autorité de Christ. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Pour toi, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et cette parole te revient aujourd'hui au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit, afin que ça avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Jésus s'est chargé de tes maladies. Tu es délivré au nom de Jésus de chaque maladie cardiaque, de chaque maladie auto-immune, de chaque maladie corporelle, des émotionnelles. Au nom de Jésus-Christ, toute maladie qui a été lancée par les sorciers, tu es délivré de cette maladie par le feu du Saint-Esprit. Il est dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous tes pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Que la puissance du Saint-Esprit, que l'autorité de Jésus de Nazareth, j'ordonne aux démons associés à tout vœu, aux dédicaces parentales maléfiques de Noël, de sortir de ta vie, maintenant même au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, j'ordonne aux démons associés à tout vœu de Noël, à tout vœu d'une fête démoniaque, à toute dédicace parentale, à toute dédicace passant par la nourriture, passant par les boissons, tout ce que tu as bu, tout ce que tu as mangé, pendant que tu étais enfant dans la famille, passant par Noël, au nom puissant du Seigneur Jésus, que le feu du Saint-Esprit, j'applique l'huile et ordonne aux démons associés à la malédiction de Noël de partir maintenant au nom de Jésus. J'applique l'huile du sang et le sang de Jésus par le feu du Saint-Esprit. Je demande au Seigneur de guérir tous les dégâts, de te délivrer de tous les dégâts que cela a provoqué dans ta vie jusqu'à présent au nom de Jésus. Par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, je renvoie et disperse de ton cœur toute pensée, image ou photo d'échec dans tes affaires, au nom de Jésus, dans tes projets pour le mariage, au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit, que les anges de Dieu vivants déroutent toute pierre. Je dis bien que les anges de Dieu vivants déroutent toute pierre, entravant la manifestation de tes percées financières. De tes percées financières au nom de Jésus. que les anges de Dieu vivant, le Dieu vivant, déroutent toutes les pierres, déroutent tous les blocages, détruisent tous les blocages au nom de Jésus-Christ Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth, qu'il y ait de la turbulence. Et de la turbulence sous le ciel de tes ennemis. Qu'il y ait de la turbulence sous le ciel de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Et que toi, tu sois protégé. Tu sois protégé. Que tous les trous présents dans le souvenir de ta vie soient cousus au nom de Jésus. Que tous les trous que les démons, les sorciers utilisent pour voler tes bénédictions soient cousus maintenant par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit, l'autorité de Jésus, et je libère toute malédiction ordonnée contre la capacité à protéger, qu'il soit protégé par le sang de Jésus-Christ. J'éjecte tout esprit de la mort de ton ventre, tout esprit de la mort de ton cœur, tout esprit de la mort de ton estomac, tout esprit de la mort de ton foie, ceux qui sont touchés par les foies, que ce soit le foie, que ce soit les maladies qui touchent le foie, que ce soit les hépatites B, les hépatites C, hépatites CC, toutes les maladies qui touchent le foie, tu es délivré de ces maladies au nom de Jésus. Toutes les maladies qui touchent le cœur, tu es délivré de ces maladies au nom de Jésus. Toutes les maladies qui touchent le sexe, tu es délivré de ces maladies au nom de Jésus. Toutes les maladies qui touchent également les autres organes, tes reins, la colonne vertébrale, la colonne jusqu'au cervical, par le sang de Jésus-Christ, partagez encore la vidéo. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'éjecte tout esprit de la mort au nom de Jésus-Christ. Et je déclare qu'il n'y aura point de stérilité dans ta vie. La stérilité financière, la stérilité matérielle, la stérilité sentimentale venant de ton mari, venant de ta femme, au nom puissant du Seigneur Jésus. Et que tout le charbon que les sorciers ont mis sur ton visage pour que tu sois rejeté dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale, que ce charbon soit lavé. Que ce charbon soit lavé au nom de Jésus, soit purifié au nom de Jésus. Que les forces maléfiques prêchant ta défaite contre ton mariage, contre tes entreprises, contre tes projets, soient détruits au nom de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus, par l'autorité de Jésus, tout arbre maléfique poussant dans ta famille, dans ta fondation, tout arbre maléfique qui est un totem dans ta famille, un totem dans ta famille, qui garde les pitons de la famille, qui garde les sorciers, qui est un aéroport de sorcellerie dans ta famille, que ces arbres, à partir de cette année, commencent à sécher au nom de Jésus, que ces arbres s'écoulent au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit, l'autorité de Jésus, que tout pouvoir du serpent et scorpion qui lutte contre ta vie soit déshonoré, soit détruit, soit protégé, soit projeté dans l'abîme des ténèbres. Partage encore la vidéo. Que le feu du Saint-Esprit, que toute pollution faite à ta vie et à ta santé spirituelle, à ta santé physique, à tes relations dans le mariage, que toutes ces manipulations du serpent dans le domaine de ta santé soient détruites au nom de Jésus, soient renversées au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Que tout mouvement du serpent dans ta vie, dans ton corps physique, le serpent qui lèche ton corps, qui vient lécher tes mains, c'est pourquoi la paume de ta main démange, la paume de ta main qui démange, c'est parce que le serpent est en train de lécher ta main, il est en train de lécher tes mains, les serpents lèchent tes mains pendant que tu dors, c'est pourquoi tu as les démangeaisons sur la paume de la main, le serpent a léché également ton front, c'est pourquoi tu as des démangeaisons sur le front, les démangeaisons sur le front, parce qu'il y a des serpents qui ont léché, ils ont volé ta destinée. Je ramène cette destinée au nom de Jésus-Christ. Je ramène tout esprit qui a léché ton front au nom de Jésus-Christ. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit au nom puissant du Seigneur Jésus. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cet acte-là, que les sorcières ont écrit sur ton front, que tu ne verras pas du bien, qu'on ne te fera pas du bien. C'était écrit sur ton front. Et c'est pourquoi tu as des démangeaisons sur le front tout le temps. Et le sang de Jésus lave ton front. Par la puissance du Saint-Esprit, le sang de Jésus lave ton front. Le feu du Saint-Esprit lave ton front. Au nom puissant du Seigneur Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Aujourd'hui, le sang de Jésus efface le 666 spirituel qui était écrit sur ton visage. C'est pourquoi tu ne pouvais pas avoir de l'argent. C'est pourquoi tu ne pouvais pas avoir des richesses si tu n'adorais pas le diable. C'est pourquoi beaucoup de personnes entrent dans la rose croix, dans la franc-maçonnerie, entrent dans les cercles mystiques parce que le diable a finalement léché leurs mains, a finalement léché leur étoile. Et le Satan les fait croire que si tu n'entres pas, si tu ne m'adores pas, si tu n'entres pas pour que moi je te donne l'argent, pour que moi je te donne la nomination, pour que moi je te donne un titre honorifique, pour que moi je te donne la gloire du monde, tu ne feras rien de bon dans cette vie. C'est un mensonge de Satan. Attends, à partir de maintenant, donne ta vie au Seigneur. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Reçois le Saint-Esprit qui a été promis maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit qui a été promis. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Je retire tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes les visions, les rêves, toutes les prophéties venant des prophètes démoniaques pythoniques. Tous les prophètes qui ont utilisé dans ta vie. L'esprit de Python, les fausses prophéties, c'est pas faux. La Bible n'appelle pas fausse prophétie parce que la prophétie ne s'est pas accomplie. Mais la prophétie qui s'est accomplie, mais qui a une origine démoniaque. C'est cette prophétie-là qui est fausse. Et tu as rencontré beaucoup de soi-disant prophètes dont ils ont prophétisé même sur toi. Les prophéties se sont accomplies alors que l'origine de la prophétie était le démon, était Satan lui-même. À partir de cet instant, tout cela est détruit au nom de Jésus. J'annule toutes les visions venant de Satan, venant du serpent, les rêves du serpent, les paroles venant des malédictions du serpent au nom de Jésus-Christ Nazareth. Par le feu du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Que sa puissance continue à se manifester maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais m'arrêter à ce niveau parce que nous allons continuer demain. Demain, c'est la grande veillée. C'est pourquoi je veux commencer. Nous allons commencer demain à partir de 22h. L'enseignement d'abord. Une grande veillée. Il y aura des actes prophétiques. Grande veillée, c'est notre nation au Cameroun. Il y aura des actes prophétiques. On va oindre tout le monde. Si tu restes à la maison, est-ce qu'on viendra te oindre parce que tu m'as vu? Ah non? Mais ceux qui sont en Europe, dimanche prochain, on va oindre. Également, notre nation à Paris, on va oindre. Mais tous ceux qui sont au Cameroun, que ce soit de voilà, tu montes demain à la veillée du 24 au 25, il y a une grande veillée d'évangélisation. Vous devez inviter tous vos frères, toutes vos sœurs. Vous devez les inviter pour venir recevoir le Seigneur. Qu'ils viennent recevoir la délivrance par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Vous devez partager la vidéo et demander à tout le monde de venir à la veillée. Du 24, parce que moi-même, il y aura des actes prophétiques avec le sang de Jésus. On va asperger le sang de Jésus dans la salle. Il y aura un tel mouvement de délivrance qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais vu. Un tel mouvement de délivrance, ce 24 au 25, la nuit du 24 au 25. À partir de la nuit du 24 au 25, ça sera terrible. Je dis, ça sera terrible. Cette nuit du 24 au 25, descendez. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Des choses que tu n'as jamais vues. Des actes prophétiques qui seront posés avec le sang de Jésus. Les pitons dans vos villages. Il y aura des arbres qui vont s'écrouler, déraciner. Et toute ta destinée va sortir. Les bouteilles seront brisées. Toutes les bouteilles de sorcellerie dans ta famille seront brisées. Et si tu ne viens pas, qui te dit que tu es la prochaine victime? Vous voyez ceux qui sont morts là. Moi, je regardais CRTV l'autre jour. CRTV. Et je vois qu'un immeuble s'est écroulé à Yaoundé et ça a tué beaucoup de personnes. Alors, si ce genre-là, on leur disait que vous n'allez pas voir le 31 décembre, ils n'allaient pas accepter. Ils allaient copieusement m'insulter. Mais toi qui vas rester à la maison, qui te dit que toi tu vas voir le 31 décembre? Qui te dit cela? Alors, tu dois te détacher de ton lit, de tes occupations, perdre ton sommeil, ne serait-ce que la veillée du 24 au 31, pour descendre en vente du canard. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Et dimanche prochain, tous ceux qui vivent en Europe, ça sera l'apothéose. L'apothéose table de nation Paris, où vous allez venir donc adorer le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le plus beau. Et nous allons poser des actes prophétiques, parce qu'il n'y aura pas de veillée, de veillée du 31 à Paris. Ça sera notre dernier culte. Notre dernier culte à Paris, notre dernier culte à Paris, parce que au Cameroun, à Yaoundé déjà on m'attend, parce que je serai là-bas physiquement. Donc ici, après Noël, que vous appelez Noël là, les fêtes de Noël, le dimanche là, à Paris, 8 rue des Gaillards, 95-140, mais ça va chauffer, ne ratez pas du tout, parce qu'il y aura des actes prophétiques tellement poussés. Et après cela, les cultes vont continuer, mais au mois de février, du 7 au 9 février, une grande rencontre internationale, une grande convention de 3 jours de délivrance, moi-même, ma femme, et il y aura également d'autres serviteurs de Dieu qui viendront. Et vous devez être là. Les manifestations commencent le 7 à 8 heures et jusqu'au soir à 18 heures. Et le samedi, le 8 à 8 heures jusqu'au soir à 18 heures. Et le dimanche, à 8 heures jusqu'à 13 heures. Et ce sera ça le problème, le programme de 2020, février 2020. Soyez dans les nôtres, partagez la vidéo par la puissance du sang de Jésus-Christ. Allez dans notre site, le Temple des Nations. Et non, pas le Temple des Nations, ça c'est la page Facebook, le Temple des Nations. Là, il y a 200 000 abonnés. Et vous allez vous abonner également. Et sur la page Facebook Dr. Isomba, Dr. Tsala Isomba, vous vous abonnez également. Et nous allons utiliser les deux pages pour faire des directs. Vous avez aussi la chaîne YouTube Temple des Nations. Toutes les vidéos qui se retrouvent, ça entre également sur la chaîne YouTube Temple des Nations. Et puis vous écoutez, il y a déjà près de 600 vidéos dans cette chaîne. Vous les cherchez, vous allez les trouver. Et c'est comme ça que vous serez enseigné. Et tous les jours, et ce vendredi, comme je le dis, demain, la grande manifestation, et je prends la parole à 22h au Temple des Nations en direct, pour que, et vous commencez également à suivre, il y aura des actes prophétiques, ne ratez pas, si vous habitez Yaoundé environ, ne ratez pas, descendez, la Bible dit, ils vont déposer l'huile, ils sont partis, ils ont oint les brebis, ils ont chassé beaucoup de démons. Mais on ne va pas te oindre chez toi à la maison parce que tu m'as écouté sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment Satan trompe les gens. Tu vas dire, oui, je l'ai écouté sur les réseaux, je vais écouter également. Non, ceux qui sont loin, Paris, Bruxelles, partout, eux, ils peuvent attendre. Mais ceux qui sont au Cameroun doivent descendre au Temple des Nations pour physiquement, parce qu'on vous imposera les mains et également... Le sang de Jésus que tu vas boire, on va aussi asperger pour pouvoir chasser, détruire. Il y aura des guérisons, des témoignages spectaculaires pour ceux qui vont faire leur déplacement au Temple des Nations en vente Picara. Voilà ce que j'avais à vous dire par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen.